Chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. La vie n'est pas toujours rose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Toutes les nuits je ne dors pas assez. Le matin je cours pour travailler. À midi je n'ai pas le temps de déjeuner. Le soir j'avale trois petits comprimés. Pour oublier que chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. La vie n'est pas toujours rose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Je dois descendre pour promener le chien. J'en profite pour acheter le journal et le pain. Le dimanche, je fais la grasse matinée. Je mets ma chemise blanche toute fraîche repassée. Pour oublier que chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. La vie n'est pas toujours rose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Et tout le monde là. C'est parler pour rien. Sa petite vie tranquille, malgré tout on y tient. Il ne faut pas troubler son train-train quotidien. Car on aime bien quand chaque jour c'est la même chose. Oh, oh, oh. Chaque jour c'est la même chose.